piano hand is silver lining. We're no crime to make the headline news. If it's a matter for decision, you and I can be the ones to choose. Mm-hmm. Mm-hmm. Je te donne mes espoirs cachés. Pour donner, tout donner, c'est la seule façon d'aimer. Donner pour donner, c'est la seule façon de vivre. C'est la seule façon d'aimer. Pas la peine de vivre enfermé. Pas la peine de rester couché. Non, c'est pas la peine. Je te donne sans rien demander. La vie c'est déjà si compliqué. Et je te donne mes sourires moqueurs. Je te donne ma force, ma douceur. Je te donne des secrets fragiles. La vie, c'est déjà si difficile. Donner pour donner, tout donner, c'est la seule façon d'aimer. Donner pour donner, c'est la seule façon de vivre. C'est la seule façon d'aimer. Oh, donner pour donner, tu donner. Mm-hmm. C'est la seule façon d'aimer. Mm, donner pour donner, c'est la seule façon de vivre. C'est la seule façon d'aimer. Thank you. Son of Man has risen up from the prison, broken the spell, and anyone can tell. Son of Man is free. Sister, you and me, we're common people with integrity. The night.